Des démons. Des démons. Des démons. Je les ai regardés dans les yeux. Le monde me dégoûte que quand la pluie tombe, je me sens heureux. Je suis à point, tout arrive à point, c'est un point de vue original sur la bande son, console tombe à point. Sortir les points, à deux bas en haut, toujours regarder au-dessus pour monter et y arriver. La rivière coule, le robinet joue, la bande son coule. L'encre asséchée, l'encre jamarre, les déchets évacués et recyclés avec objectif élaboré. Il n'y a peu que qui refoule, qui joue ou s'embrouille à haut bouboule. Je passe par là, je passe par ici, j'accueille et partage sans attache. Obligation de lever les côtes, ça se justifie. Je réforme mes mots, deux passes, un tour, deux passes, pas, après, pas. Là je me balade sur le flot, je passe, je découvre tout de suite ce que j'endure. Et sur provocation, j'agis sans habit, sur mon tapis. Je suis pathétique et tactique, pour du fric, je navigue entre deux rivières. Je gère, je galère, avocat restreint qui accompagne. Le décor est planté, un coup agrume, je m'enrhume et murmure, grosse jumelle. Je m'amène et réclame l'allégeance. Soyez indigents envers les gens qui vous regardent avec respect. Point de vue 505. Je dirige, je gère, j'apprécie. Hihi, non pas de quoi, tu ne peux que m'encourager. Garde à vous, garde PC, garde, prends garde ou dégage. Je m'en débarrasse et brasse. Des démons. Des démons. Des démons. Je vais essayer de regarder dans les yeux. Les démons à la Resident Evil de Cape Cod sont d'autres comptes dans l'enclume. Je suis en panne de véhicule, surveilleur qui rentre, qui sort. Je fais la circulation, toujours prêt à lâcher un test sur le système. Je m'accumène, je m'en mêle, je m'émerveille, je surveille. Je fais couler l'encre entre l'enclume et le bitume. J'ai résolu les questions. Non, je ne suis pas là pour des questions. Tu me questionnes, mais par opposition, il y a bien une solution. Des démons. Des démons. Je les ai regardés dans les yeux. Une ligne droite car perpendiculaire à 90 degrés te fait douter. Qui peut faire et défaire, s'élasser, sans se lasser et s'entrelacer pour se mêler, se démêler dans la mêlée. Qui prône, qui donne, qui frôle, qui dose, qui donne, qui prouve, qui vit sans habit. La vie qui surgit se méfie à vie. Ok, je fais de la main, ok, c'est fait, c'est dit, avec des faits et des méfaits, qui promet, qui dit, qui jure, sur ces putains de juges, qui analyse, qui décortique, ce putain de flot va prendre une chasse d'eau, pas comme papa. Je vais essayer de regarder dans les yeux.